Kanyangi. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition, la mi-journée de ce 20 février, dont voici les grands titres. 92, c'est le nombre d'ONG étrangères enregistrées au ministère burundais de l'Intérieur jusqu'au 15 février courant. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Certains sénateurs dénoncent 500 francs burundais imposés à tout véhicule de marque Probox passant par sur la route nationale numéro 1. Le ministre burundais de l'Intérieur confirme les faits et demande le concours de toute personne. Plus de 300 nouveaux cas de lèpre ont été détectés en 2018. Parmi eux, 9% sont des enfants et la cause n'est pas connue. Précision du point focal de la lèpre au programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre. Grogne de certains agriculteurs de Lumongue ayant payé leur solde pour engrais chimiques. Ils ne reçoivent que le DAP au niveau du service formation et vulgarisation agricole à Lumongue. L'on conseille de continuer à payer. Les précisions, c'est dans cette édition mise en onde par Erika Dogo. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'annonçais en titre, les ONG étrangères autorisées à travailler sur le sol burundais sont chiffrées à 92. L'information est donnée par Tarsis Niyongabo, porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur et assistant du ministre. Un délai de grâce d'un mois qui avait été donné à celles qui cherchaient encore des documents pour se conformer a pris fin le 15 février. Tarsis Niyongabo affirme que les 92 organisations sont suffisantes pour travailler au Burundi, surtout que, dit-il, celles qui travaillent effectivement en fournissant des rapports ne dépassaient pas le nombre de 100. Suivez-le, des propos recueillis par Léonce Vitaliou. Sur les 84 ONG qui se sont fait inscrire jusqu'au 31 décembre 2018, nous avons eu 8 ONG supplémentaires et au total aujourd'hui, nous avons 92 ONG qui se sont fait inscrire sur 100 ONG qui œuvraient dans notre pays et qui donnaient le rapport. Tandis que sur l'inscription, sur les livres, sur la liste, nous avions 140 ONG. C'est-à-dire qu'il y a 40 qui ne donnaient pas de rapport? Oui, il y a 40 ONG qui ne donnaient pas de rapport. Quels serait alors le sort de ces autres organisations et son parti? Aujourd'hui, nous prenons que les 8 ONG qui ne se sont pas fait réenregistrer à notre ministère n'ont pas voulu respecter la loi burundaise, surtout les mesures que nous avions données, les conditions qui avaient été énoncées pour se faire réenregistrer. Comment le gouvernement va-t-il combler le vide laissé par les ONG qui ont plié bagage? On donne comme exemple le cas d'Handicap International, et le cas d'Avocats sans frontières. Notre pays, c'est un pays organisé qui a un gouvernement subdivisé en différents ministères. Et ces ministères sont subdivisés selon les domaines et les besoins aussi de la population et du pays. Ce ne sont pas alors ces ONG qui faisaient vivre le pays, mais il y a les ministères qui sont là pour accomplir toutes les activités nécessaires pour le pays et pour la population. Tarsis Niyongabo, porte-parole et assistant du ministre burundais de l'Intérieur. Je vous l'avais dit, page gouvernance, certains sénateurs dénoncent une somme de 500 francs burundais imposée à tout véhicule de marque Probox passant par la route nationale numéro 1 par des gens qui se font passer pour des agents de la mairie. Le ministre de l'Intérieur confirme les faits et demande le concours de tout un chacun pour combattre ces gens qu'il qualifie de bandits. Ces sénateurs se sont aussi insurgés contre les immondices observés dans différentes places publiques lors des questions orales devant le Sénat sur la question de la décentralisation. À mairie de Bujumbura ce mardi, Pascal Barandagui a expliqué que la mairie est en contact avec ses partenaires qui vont transformer les déchets ménagers en énergie. Les précisions de Ben Nyonguru. Certains sénateurs se disent indignés des ordures qui s'observent sur certains endroits en mairie de Bujumbura. Ils déplorent aussi le dysfonctionnement d'associations qui dégagent les déchets ménagers. Des ordures s'observent un peu partout dans la ville de Bujumbura. C'est catastrophique. On se demande si la mairie pouvait se retirer et organiser nous-mêmes les associations qui enlèvent les immondices. Le ministre Barandagui promet que la mairie se penche sur cette question pour la vider une fois pour toutes. Le maire de la ville est en contact avec les partenaires. Ces derniers vont acheter ces déchets et les transformer en énergie. C'est un projet qui avance vite. L'autre sénateur a dénoncé un groupe de gens qui rançonne certains transporteurs une somme de 500 francs à la route nationale Bujumbura-Bugarama. À la route nationale numéro 1, il y a des gens qui rançonnent les transporteurs une somme de 500 francs par voiture. Ils le font au nom de la mairie. C'est une corruption notoire. Pascal Barandagiye en appelle au soutien de ses élus pour traquer ce groupe. Le ministre Barandagiye a promis la mise en place d'une loi régissant la mairie pour éviter le dysfonctionnement de certains services. Et sur ce, la municipalité de Bujumbura indique que la réhabilitation de la voirie urbaine n'incombe pas à la responsabilité de la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura explique que cette responsabilité revient au ministère burundais des Travaux publics. Fred Dimbonima précise que la tâche de la mairie est la réhabilitation des routes passant dans les quartiers suivants. C'est vrai, il y a certains endroits qui se trouvent dans un état déplorable, notamment autour du rond-point des Nations Unies, notamment au niveau du Novotel et dans d'autres endroits qu'il faut quand même entretenir. Alors, je voudrais donner lever l'équivoque. Il y a des routes classées, ça veut dire toutes les routes nationales qui prennent des parts au niveau du Novotel, RN1, RN5, RN, toutes ces routes, et doivent être entretenus par le ministère en charge des travaux publics via l'office ODR des routes sur les fonds du fonds routier. Donc tout cela c'est clair, c'est bien stipulé. La mairie, il récolte de l'argent et cet argent il est ventilé dans plusieurs domaines, aussi dans la voirie, mais dans la voirie se trouvant à l'intérieur des quartiers. Donc nous ne sommes pas autorisés à réparer et je pense qu'en échangeant avec les gens du ministère, les techniciens nous ont dit que les fonds seront disponibles incessamment pour pouvoir entretenir ces endroits en mauvais état. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons élevage à 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro. Les membres de la Chambre basse du Parlement dénoncent le fait que certains administratifs infligent déjà des amendes aux éleveurs qui font paître leur bétail dans la nature. C'est au moment où le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, souligne que la loi régissant la stabulation permanente n'est pas encore mise en application. Lors des questions orales à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Deogui Derurema, a tranquillisé les députés que leurs préoccupations seront prises en compte. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Les membres de la Chambre basse du Parlement ont haussé le ton ce mardi, arguant que certaines autorités administratives de l'intérieur du pays persécutent les éleveurs qui font paître leur gros et petit bétail dans la nature. Ces autorités diraient mettre en application une loi incitant les éleveurs à appliquer la stabilisation permanente, disent ces députés. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, trouve que ces autorités agissent hors la loi car il n'est pas encore temps de mettre en application cette loi. Le constat est que les éleveurs sont victimes de cette loi que nous avons votée. Cela étant, nous avons passé des heures et des heures en train de discuter sur un article qui accorde une durée à observer avant sa mise en application. Mais aujourd'hui, un chef de colline intimide un éleveur lui disant qu'une loi a été votée. C'est pourquoi nous vous demandons de sensibiliser les autorités à la base pour qu'elles puissent respecter les délais de 3 ans accordés à ces éleveurs, qu'on leur donne la paix. Le ministre Deogui Derurema dit comprendre les préoccupations de ces élus du peuple et tranquillise que les techniciens qui sont sur terrain vont agir pour trouver solution à ce problème. En ce qui concerne la stabulation permanente, je tranquillise vraiment. Il n'y a aucune maison qui brûle. Mais peut-être qu'il peut y avoir l'un ou l'autre qui viole la loi. Je pense qu'avec la nouvelle organisation des structures au sein des bureaux, des directions provinciales, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, l'on pourra surmonter ce problème. L'on compte également engager le personnel qui va appuyer le responsable. Le phénomène de poursuivre les éleveurs accusés de faire paître leur bétail dans la nature est signalé dans les provinces de Muyinga, Kayanza, Rumonge et Makamba, pour ne citer que celles-ci. Parlons agriculture à présent. Les agriculteurs qui payent leur solde pour engrais chimiques à Rumonge se lamentent qu'ils ne reçoivent que le DAP, alors qu'ils ont payé aussi pour d'autres sortes. Ils se demandent pourquoi on les laisse payer même des soldes pour des engrais chimiques non disponibles. Savin Sabimana, chef du service formation et vulgarisation agricole dans la DPA Rumonge, conseille à ces agriculteurs de continuer à payer ses soldes et attendre les sortes d'engrais désirés dont la livraison est selon lui proche. Les détails avec Jean. Parlons agriculture à présent. Les agriculteurs qui payent leur solde pour engrais chimiques à Rumonge se lamentent qu'ils ne reçoivent que le DAP alors qu'ils ont payé aussi pour d'autres sortes. Ils se demandent pourquoi on les laisse payer même des soldes pour des engrais chimiques non disponibles. Sabimana, chef du service formation et vulgarisation agricole au niveau de la DPA Rumonge, conseille à ses agriculteurs de continuer à payer ses soldes et attendre les sortes d'engrais désirés dont la livraison est selon lui proche, des précisions de Jean-Pierre Misago. Il s'agit de lamentation d'un des agriculteurs qui s'approvisionnait en engrais chimiques à partir de la zone Rumonge. Il y revient du stock d'engrais chimiques sis au quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge sans être servi. Ticket de paiement du solde pour l'engrais de type NPK à la main. Il s'interroge sur les explications qu'il va fournir à la famille qu'il y regagne sans argent ni engrais. Selon cet agriculteur, le mieux serait qu'au moins son argent lui soit restitué, ne comprenant pas comment il y paie le solde pour un produit qui n'est pas encore disponible. De son côté, Savin Sabimana, chef du service formation et vulgarisation agricole à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, estime que les agriculteurs devraient récupérer l'engrais type DAP disponible et attendre la disponibilité d'autres sortes d'engrais. Il faut qu'ils attendent les sortes d'engrais cultivés, ils vont venir bientôt. Pour lui, le mieux serait que ces agriculteurs paient le solde et attendent, car selon lui, les tickets se conservent facilement que l'argent liquide. Moi, j'encourage ceux qui vont continuer à payer la solde pour qu'ils aillent après retirer les engrais. Jusque le soir de ce mardi, 88 tonnes d'engrais de type DAP sur environ 500 tonnes d'engrais chimiques attendus en province Rumonge étaient disponibles selon Savin Sabimana. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Page santé à 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro. 250 000 nouveaux cas dans le monde ont attrapé la lèpre au Burundi. 400 nouveaux cas en 2017 et 385 nouveaux cas en 2018. Parmi eux, 9% sont des enfants et la cause n'est pas encore connue. 322 malades sont multibacillaires, c'est-à-dire qui peuvent facilement contaminer les personnes saines. Le Burundi a déjà atteint le seuil de l'élimination de la lèpre reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 1 cas sur 10 000, comme le dit Dr Pancréas Nibaroufata, point focal de la lèpre au programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre PNLT. Il ajoute que les provinces les plus touchées sont celles frontalières avec la RDC et la Tanzanie. Plus de précision avec Christian Savi. C'est par la voie aérienne que la transmission de la lèpre se fait d'une personne atteinte par la maladie vers une autre personne saine. Le malade multibacillaire qui transmet des bacilles de Hansen qui vont envahir tout le corps. Au Burundi, la lèpre reste présente, comme le dit Dr Pancras Nibaroufata, il est point focal de la lèpre du programme national de lutte contre la tuberculose, un programme qui s'occupe également de la lèpre. On remarque toujours plus de 83% chaque année de lèpre multibacillaire. Lèpre multibacillaire, c'est la lèpre contagieuse. Au cours de ces 5 dernières années, on a trouvé qu'il y a un plateau autour de 11% de taux des enfants détectés. C'est un signe de contamination récente, un signe qui nous montre que la lèpre continue à se propager dans la population burundaise. Alors, vous comprenez, si on dépiste des enfants de moins de 20 ans, c'est un signe que la lèpre se propage continuellement. On vous signale que le Burundi a atteint le seuil de l'élimination de la lèpre, qui est de 1 cas sur 10 000. Et la plupart des malades atteints de la lèpre se situent dans les provinces frontalières avec la République démocratique du Congo et la Tanzanie, qui sont Rutana, Bubanza, Rumonge, Chibitoke et Makamba. Vous voudrez bien nous excuser, c'est le docteur Pancras Ntibarufata et non Pancréas Ntibarufata comme je venais de vous le dire. Toujours en page santé, certains parents en ville de Muyinga déclarent être inquiets par le système de gestion des préservatifs se retrouvant parfois dans les mains des enfants comme jouets. Le médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga promet la restructuration du système de distribution suivi et rapportage afin de promouvoir la santé tout en évitant la violation des mœurs. Une information que nous devons à notre confrère Dieudonné Nzeyman. Radio Isanganiro, chronique éducation. Le dégoût scolaire peut conduire l'élève à l'abandon définitif de ses études pour s'adonner à la prise des stupéfiants. Ce sont des explications d'Alexine Daïzigui, expert en matière d'éducation et de psychologie. Ce psychopédagogue conseille les parents et les enseignants de suivre de près, de ne pas malmener les élèves. Et pour un élève déjà atteint du dégoût scolaire, il le rappelle à consulter les experts en psychologie. Les détails, c'est dans cette chronique éducation de ce mercredi préparée et présentée par Dans la précédente chronique éducation de mercredi passé, l'on vous a parlé de la définition du dégoût scolaire, le profil de l'élève atteint du dégoût scolaire et ses facteurs. Le dégoût scolaire entraîne des conséquences énormes, prévient Alexis Ndaïdiguié. À côté de l'abandon définitif de l'école, l'élève arrive au stade où il se rebelle contre ses enseignants et ses parents. Comme conséquence, la plénière qui a ses caractéristiques si aussi est un enfant à risque de mettre fin prématurément aux études. L'enfant peut devenir très violent, il est souvent en conflit avec ses pères ou même ses professeurs, provoque le stress chez ses parents, il peut adopter des comportements dysfonctionnels, par exemple la prise de stupéfiants peut devenir un alcoolique, un voleur et j'en passe. Dans ce cas, l'enseignant doit s'interroger pourquoi l'élève commence à manifester des signes du dégoût scolaire en vue de prévenir des conséquences de ce phénomène. L'expert Ndaïdi Guillé conseille les parents et les enseignants à ne pas harceler les élèves pour avoir échoué. Envoyer l'enfant à l'école n'est pas envoyer la vache au pâturage, compare-t-il. Dans ces activités, l'enseignant doit répondre aux questionnements suivants. Ont-ils la soif d'apprendre davantage? Les parents doivent comprendre que leur mission ne se limite pas à envoyer leurs enfants à l'école, mais qu'ils doivent également s'impliquer directement à travers un suivi régulier de formation de l'enfant sur la manière de créer encore le désir d'apprendre chez l'enfant. Les parents doivent comprendre ceci, que l'enfant, ce n'est pas une vache qu'on envoie au pâturage, mais c'est quelqu'un qui a besoin de suivi régulier. Les enseignants doivent préparer minutieusement leurs cours, mettre du goût dans les apprentissages, du fait que l'enfant apprend quand il est intéressé. Cet expert en éducation et en psychologie dit que la situation peut se compliquer, raison pour laquelle il les appelle à consulter les psychopédagogues avant que la situation ne dégénère. C'est par cette chronique éducation que je mets un point final à cette édition, mais je vous en rappelle quelques titres. 92, c'est le nombre d'ONG étrangères enregistrées au ministère burundais de l'Intérieur jusqu'au 15 février de cette année. Certains sénateurs dénoncent la somme de 500 francs burundais imposée à tout véhicule de marque Probox passant sur la route nationale numéro 1. Le ministre de l'Intérieur confirme les faits et demande le concours de toute personne, il a dit hier. Mardi, et grogne de certains agriculteurs de Lumongue ayant payé leur solde pour engrais chimiques et ne reçoivent que le DAP. Au niveau du service formation et vulgarisation agricole à Lumongue, l'on conseille de continuer à payer. Voilà.